Barbouzerie. Le 3 mai 2020, plusieurs dizaines de mercenaires quittent la Colombie sur des bateaux rapides en direction de la côte de la Guaira, à 30 km au nord de Caracas, la capitale vénézuélienne. Mais leur opération ne se déroulera pas comme prévu, car ils sont attendus. Au moins 6 sont tués dès leur arrivée sur la terre ferme par les forces armées vénézuéliennes. De nombreux autres sont arrêtés avant d'avoir pu rejoindre les planques. Au moins 2 des personnes arrêtées, Ayran Berry et Luke Denman, sont des citoyens américains et d'anciens soldats. La télévision diffuse des extraits d'interrogatoire de Luke Denman, dans lesquels il semble reconnaître qu'il fait partie d'un groupe de putschistes dont la mission était de prendre le contrôle de l'aéroport international Simon Bolivar. Denman explique que ses instructions étaient d'aider à transporter par avion le président Maduro capturé vers les États-Unis. Le gouvernement vénézuélien affirme que le coup d'État est commandité par la Maison-Blanche, le gouvernement colombien et Juan Guaido, le principal rival du président Maduro. Mais Washington et ses alliés nient toute implication. Daniel Hoffman, un ancien responsable des opérations de la CIA, estime que le projet de coup d'État a très probablement été infiltré par des espions pro-Maduro dès sa planification. L'opération était dirigée par le général de division Cliver Alcala Cordones, membre retraité de l'armée du Venezuela. Alcala, qui est recherché aux États-Unis pour trafic de drogue, vit en Colombie depuis au moins 2019. L'opération est soutenue par Silvercorp USA, une société de sécurité privée dirigée par Jordan Goodrow, un ancien sergent des bérets verts américains né au Canada. Comment en est-on arrivé à un tel fiasco? Le Monde raconte la genèse de l'opération. Tout commence un an plus tôt, après une tentative déjà ratée de coup d'État contre Nicolas Maduro, en avril 2019. À cette époque, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, nostalgique revendiqué de la débâcle anticastriste de la baie des Cochons, en 1961, pèse de tout son poids pour convaincre une partie du régime vénézuélien de se retourner contre l'héritier d'Hugo Chavez. Sans succès. Quelques semaines plus tard, une coalition hétéroclite se retrouve dans un grand hôtel de Bogota, en Colombie. Il y a là les opposants historiques, des renégats du chavisme et les inévitables mercenaires, représentés en l'occurrence par Jordan Goodrow, qui a servi en Irak et en Afghanistan. L'ancien soldat a été chargé en février dans ce même pays de la sécurité d'un concert de soutien à Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela, reconnu par les États-Unis et une bonne partie des pays d'Amérique latine et d'Europe. Le concert a été financé par le mania britannique Richard Branson. Les lettres de créance de Jordan Goodrow, basé à Miami, et qui a fondé sa propre société de sécurité après avoir quitté l'armée, sont minces. Il ne peut guère mettre en avant qu'un lien ténu avec l'ancien garde du corps de Donald Trump, Keith Schiller. Interrogé par les autorités colombiennes, intrigué par ce ballet, l'Agence centrale de renseignement américaine, CIA, décline d'ailleurs tout lien avec l'ancien béret vert. Ce dernier s'appuie sur un ancien chaviste, Cliver Alcala, qui avait rang de général avant de se retourner contre le régime et qui ronge son frein en Colombie. Des proches de Juan Guaido se rapprochent de l'attelage. Un conseiller du président autoproclamé, Juan José Rendon, qui vit à Miami, signe un contrat avec la société du Béret Vert, puis le lien se distend. Imperturbables, les putschistes rassemblent en Colombie, dans 3 camps d'entraînement, de maigres troupes composées principalement de militaires qui ont fait défection. Les moyens manquent plus que les égaux, alors que Jordan Goodrow a fixé le budget de ce coup d'État à 1,5 million de dollars, 1,37 million d'euros. Mais l'ancien béret vert continue d'aller de l'avant. Mal ficelé, le complot est un secret de Polichinelle. Ses troupes sont infiltrées par les services de Maduro, d'où la débâcle assurée dès que les mercenaires posent le pied sur les plages du Venezuela. Ce scénario évoque furieusement celui de la baie des cochons à Cuba, 60 ans plus tôt. L'administration Trump nie aussitôt toute implication, en qualifiant ce projet de travail d'amateur. Mais il est probable qu'elle a eu connaissance du projet et qu'elle l'aurait applaudi s'il avait réussi. Tout comme il est probable que la CIA y a assisté en spectatrice, ne perdant pas une miette du feuilleton. Au début 2021, un tribunal vénézuélien a condamné les deux anciens militaires américains à 20 ans de prison. Cet épisode illustre une tendance lourde déjà repérée au chapitre précédent, l'externalisation des opérations noires, celles les moins assumables publiquement. L'externalisation de la politique de défense des États-Unis, notamment en Colombie, est un phénomène croissant ces dernières décennies, en particulier dans la lutte contre le trafic de drogue, explique Adam Isaacson, expert en sécurité pour le think tank Washington Office on Latin America, WOLA, à la BBC, cité par France 24. En Amérique latine, ce type d'entreprise est plus souvent utilisé pour le renseignement, mais dans des endroits comme l'Irak ou l'Afrique, on a vu des opérations militaires similaires à ce que Goudreau a tenté d'entreprendre. Est-ce la fin de l'histoire? Même pas. En septembre 2020, Nicolas Maduro a annoncé l'arrestation d'un espion américain présumé, qui aurait été arrêté près du plus grand complexe de raffinage de pétrole du pays. Selon Maduro, l'espion présumé était un marine qui servait sur des bases de la CIA en Irak avant d'arriver au Venezuela. Il a ajouté que l'espion présumé a été capturé avec de grandes quantités d'argent liquide, de grandes quantités de dollars et d'autres articles. Maduro a également déclaré que les forces de sécurité vénézuéliennes avaient déjoué un autre complot visant à faire exploser une autre raffinerie de pétrole. Il a ensuite exhorté les travailleurs des raffineries à rester en alerte au cas où d'autres attaques seraient prévues. En 2020, la production pétrolière du Venezuela était tombée à près d'un tiers de son niveau record de 2009, lorsque le pays produisait 3,2 millions de barils par jour. Le gouvernement attribue la pénurie de pétrole à des actes de sabotage, mais les partis d'opposition affirment que la mauvaise gestion et la corruption sont à l'origine de la disparition de l'industrie pétrolière vénézuélienne. Le grand paradoxe de ce feuilleton est que ces complots successifs ont eu pour effet principal non pas d'affaiblir, mais de renforcer Nicolas Maduro, dont la popularité avait beaucoup décliné avec les chutes des cours pétroliers. Peut-être que si rien n'avait été tenté contre lui, il ne serait aujourd'hui plus à la tête du pays. On a bien compris que la CIA n'apparaît presque pas dans cette succession de coups tordus, ce qui ne signifie pas qu'elle en soit absente. Le recul du temps et la déclassification des archives sera nécessaire pour prendre la mesure du rôle exact joué par l'agence. Dans la mesure où il existe un consensus bipartisan sur le dossier vénézuélien, il serait naïf d'attribuer ce mauvais feuilleton aux instincts débridés de la seule administration Trump. Même en pleine vague isolationniste, l'Amérique latine reste l'arrière-cour des États-Unis. La CIA y est très présente et active. Mais avec le temps, elle a appris la discrétion, ce qui nous empêche pour le moment de tirer des conclusions tranchées. En réalité, la CIA n'est plus le fer de lance des opérations clandestines à l'étranger. En mai 2021, on apprenait que le Pentagone entretient une armée secrète de plus de 60 000 agents, dont beaucoup travaillent dans le monde entier de manière clandestine, avec de fausses identités et des antécédents fabriqués, selon un nouveau rapport. En théorie, ce serait 10 fois plus que l'aile clandestine de la CIA. Ce développement s'inscrit dans un effort global de réduction de la signature, qui permet aux agents secrets d'opérer dans le monde entier sans craindre que leurs liens avec les agences d'espionnage soient découverts par des limiers en ligne. Certains accomplissent des tâches clandestines sous leur vrai nom, mais sans avoir de lien officiel avec le gouvernement américain. D'autres opèrent sous des identités fabriquées. Les bases de données des agences gouvernementales américaines, telles que les services de citoyenneté et d'immigration ou l'Agence des douanes et de la protection des frontières, sont modifiées pour protéger les identités fabriquées. Les agents disposent également de technologies qui leur permettent d'échapper à la reconnaissance faciale et à d'autres mesures d'identification biométrique, notamment les scanners d'empreintes digitales. Une autre partie du programme de réduction de la signature consiste en des entreprises du secteur privé qui travaillent avec le Pentagone pour fournir à ses agents clandestins des couvertures contractuelles. Celles-ci permettent aux agents de travailler à l'étranger sous couverture civile et sans aucun lien officiel avec les ambassades ou les bases militaires américaines.